Thibon. Dig, man, there goes Mac the Knife. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning, even, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mac the Knife, from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mac Heat's back in town. Take it, Satch. Ah, quelle façon festive extraordinaire de commencer la nouvelle saison de C'est si bon avec Mac the Knife, la voix et la trompette de Louis Armstrong. Je m'appelle Marc Hervieux, je suis vraiment très heureux, très privilégié d'être au microphone de l'émission C'est si bon. Mais avant de commencer notre émission, puis de passer ensemble l'apéro et les trois prochaines heures avec de la si belle musique, je veux prendre quelques secondes pour remercier l'ami Claude Saussier qui a amené l'émission pendant toutes ces années-là à un succès phénoménal. Je le salue, j'espère qu'il est dans son salon, peut-être quelque part à écouter l'émission, curieux de voir si le petit nouveau va être à la hauteur. Je te salue, Claude, vraiment, merci beaucoup de cette confiance parce que j'ai eu la chance de faire le spectacle de C'est si bon de danser avec Claude, de le voir faire, de constater à quel point il est capable de communiquer avec l'audience, le public, les gens qui aiment cette émission. Merci Alexandre Bernard aussi, qui est un grand complice de Claude Saussier et qui a amené cette émission-là aussi loin qu'elle est présentement. Je vous cacherai pas que je suis un peu nerveux de vous retrouver. Vous êtes là, vous êtes des fidèles depuis si longtemps, vous m'avez croisé pendant l'été un peu partout, vous m'avez dit « on a hâte de t'écouter, on a hâte d'entendre l'émission, on est content que l'émission se poursuive ». Moi aussi, je suis content et je suis surtout très, très honoré d'être au microphone. Et puis, parce que, justement, je suis très honoré, puis que C'est c'est une journée vraiment spéciale en cette première émission de la nouvelle saison de 2024 de C'est si bon. Ben, je pense que le titre de la prochaine chanson est idéal, It's a good day, chanté par Peggy Lee. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing, and you got the right of way. 'Cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills, 'cause it's a good day from morning till night. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a million dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. A super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Hey, dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come come, let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz. If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot, it's just to tell you that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers a friend.

Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, bras dessus. En chantant des chansons, je laisse promener. C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine. N'importe quand. C'est bon. Si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était. To go on living, how to face another day. No one ever tells you the way. No one ever tells you how it feels to walk alone, listening for those footsteps through the echo of your own. Suddenly it hits you, all those dreams weren't worth a dime. Tells you in time, long before the icy winds of winter, autumn tells the swallows time to fly. Why did he pretend till the bitter end, till it broke my heart to say goodbye? No one ever warns you when your heart begins to sing. Someone tells you later all is fair in love and war, but no one ever tells you before. Ah, ces chanteuses, ces voix magnifiques. Deux grandes chanteuses. À l'instant, Shirley Bassey dans la chanson « No One Ever Tells You ». Shirley Bassey qui a été évidemment associée à James Bond, qui en a chanté trois films, « Goldfinger »,« Diamonds Are Forever » et « Moonraker ». Mais enfin, qui n'a pas été que ça, évidemment, qui a beaucoup chanté Eartha Kitt, qui a été vraiment aussi une chanteuse marquante, qui a été la Catwoman, évidemment, mais aussi qui avait vraiment, vraiment une facilité avec les langues. Par exemple, elle a chanté en 10 langues, elle en parlait 4. Ça a été vraiment quelqu'un qui a aimé s'impliquer dans la vie aussi politique et tout ça. D'ailleurs, en 68, elle a créé un malaise assez important lors d'un déjeuner organisé à la Maison-Blanche avec la première dame, Lady Bird Johnson. Elle, en fait, s'est prononcée contre la guerre du Vietnam. Et là, cet incident-là a fait qu'elle a été mise à l'index aux États-Unis. Et complètement obligée d'aller chanter ailleurs, de poursuivre sa carrière à l'étranger jusqu'en 74 pour finalement revenir un peu plus tard dans les années 80 et avoir sa carrière. Et on débutait donc avec ce fameux « Le soleil et la lune » chanté par Charles Trenet, parce que ces arrangements qu'on écoute depuis des années à l'émission, ben c'est aussi des fois pour accompagner les chansons en français. On parle de 1939 pour « Le soleil et la lune » et la voix de Charles Trenet. Aujourd'hui, à l'émission, il y a beaucoup à écouter, à entendre, mais aussi je veux que vous sachiez, que j'aimerais que vous me donniez vos suggestions pour l'émission. Et c'est facile, vous écrivez à cécibon, en un mot, @radio-canada.ca. Ou sinon, vous venez sur la page Facebook Marc Hervieux avec un petit crochet bleu et vous nous écrivez vos commentaires gentils, vos suggestions, des belles suggestions, et puis vos critiques, mais objectives. Allez, on continue avec « All I Have to Do is Dream ». Charms whenever I want you. All I have to do is dream, dream, dream, dream. When I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why. Taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why. Walking. When Madame Pompadour was on a ballroom floor, said all the gentlemen, obviously, the madam has the cutest personality. And think of all the books about Du Barry's looks. What was it made of? The toast of Paris. She had a well-developed personality. What did Romeo see in Juliet, or Pierrot in Pierrette, or Jupiter in Juno? You know. And when Salome danced and had the boys entranced, no doubt it must have been easy to see that she knew how to use her personality. Well, and never sit on a boss's settee unless she's got a perfect personality. A girl can get somewhere in spite of stringy hair or even just a bit bored at the knees if she can show a faultless personality. Why are certain girls offered certain things, like sable coats and wedding rings, by men who wear their spats right? That's right. So don't you say I'm smart and have the kindest heart, or what a wonderful sister I'd be. Just tell me how you like my personality. Baby, you've got the cutest personality. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die as long as I stars that shine. Dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Quatre magnifiques chansons qui commençaient donc par All I Have to Do Is Dream de Everly Brothers, qu'on connaît, qu'on aime évidemment. Walking After Midnight, Patsy Cline, une voix reconnaissable parmi tant d'autres. Personality, Johnny Mercer. Et finalement, les fameux The Beatles and I Love Her. Et si je passe au quiz, c'est pas officiellement un quiz, il n'y a rien à gagner, mais un quiz. Quel était le premier nom des Beatles? Est-ce que vous savez comment s'appelaient les Beatles avant d'être les Beatles? Bon, je ne vous ferai pas languir trop longtemps, évidemment. Les Beatles s'appelaient d'abord The Quarrymen. Oui. John Lennon et ses amis du lycée, en fait, de l'école secondaire, ont formé un groupe en mars 1956 en lui donnant, dans le fond, le nom de l'école qui s'appelait Quarry Bank High School. Et donc, John a ensuite rencontré Paul en juillet de la même année et Paul est devenu rapidement le deuxième chanteur et guitariste des Quarrymen. Finalement, arrive donc George Harrison. Mais la découverte de George Harrison du groupe vient parce qu'il assiste à une performance du groupe. Il connaît déjà Paul, mais lui, finalement, il va devoir passer une audition. Lui, on ne l'a pas pris comme ça rapidement. Bon, je pourrais continuer avec l'histoire et puis vous raconter peut-être que qu'est-ce qui est arrivé avec Ringo ou en tout cas toute l'histoire du groupe. Mais sachez que George Harrison a passé son audition au deuxième étage d'un autobus londonien. C'est quand même incroyable de savoir ça, parce que quand on y pense, les Beatles, c'est seulement 7 ans. C'est seulement 7 ans d'existence et des succès un après l'autre. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? C'est une autre question que je vous pose. On va plutôt le chanter ensemble avec Ray Ventura et ses collégiens. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu, y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans ce macreux. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par eux. elle mille pattes, met ses chaussettes. Les alouettes sont des aveux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Les parapluies restent chez eux, les cannes s'en vont au bal musette. Levez la tête, les amoureux, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Nothing to him on the tiniest whim to peck a few holes in your head. That's the Woody Woodpecker's tune. Makes the other woodpeckers swoon, though it doesn't make sense to the dull and the dense or the lady woodpeckers long for. That's the Woody Woodpecker song. That's the Woody Woodpecker song. He's a pecking it all day long. He pecks a few holes in a tree to see if a redwood's really red. And it's nothing to him on the tiniest whim to peck holes in your head. That's the Woody Woodpecker tune. Makes the other woodpecker swoon. Though it doesn't make sense to the doll and the dance or the lady woodpecker's long for. Yes, and then it's no, you say you'll stay, and then you go, you're undecided now. So what are you gonna do? First you say you do, and then you don't. And then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play, and then it's no. And when you say you'll stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence, and it doesn't make much sense, 'cause you keep me in suspense, and you know it. You promise to return, when you don't I really burn. Well, I guess I'll never learn, and I'll show it. If you got a heart, and if you're kind, then don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? Thank you. you say you do, and then you don't, no, you don't. And then you say you will, and then you won't, no, you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? How you wanna play, and then it's no, and when you say you'll stay, that's when you go, you're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence, and it doesn't make much sense, cause you keep me in suspense, and you know it. You promise to return, when you don't, I really burn. Well, I guess I'll never learn, and I'll show it. If you got a heart, and if you're kind, then don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? You say it's yes and then it's no. You say you'll stay and then you go. You're undecided now, so what are you gonna do? Ben, vous ne serez pas surpris de savoir que cette chanson s'appelle « Undecided ». Quand on écoute les paroles, évidemment, on comprend rapidement. C'était Ray Crick et les Ames Brothers. Juste avant, ben oui. Oui, vous n'avez pas rêvé. C'était le thème de Woody Woodpecker, le fameux pic-bois qu'on entendait. C'était Danny Kaye. Et en ouverture, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux avec Ray Ventura et ses collégiens? Quel grand chanteur français que Ray Ventura a beaucoup aidé au début de sa carrière? Tiens, Henri Salvador. Henri Salvador a fait une tournée magistrale au Brésil avec Ray Ventura et ses collégiens. Et après ça, s'est mis à travailler avec Michel Legrand, puis avec une liste incroyable de super musiciens. Mais si je reviens rapidement au générique de Woody Woodpecker, vous savez qu'il y a eu 192 épisodes de Woody Woodpecker jusqu'en 1972. C'était distribué par les Universal Studios. Mais nous, on s'est rappelé de ça, on s'en rappelle encore. Ceux qui s'en rappelaient pas maintenant sont pris jusqu'à la semaine prochaine avec le ah, on poursuit en très belle musique avec un très grand classique Over the Rainbow chanté par Judy Garland. You dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Rainbow. happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I? If you're in Arizona, I'll follow you. If you're in Minnesota, I'll be there too. You'll have a million chances to start anew, because my love is endless for you. My heart cries for you, sighs for you, dies for you, and my arms long for you. Please come back to me. Have left my window since you left me. I'm lonely as a sailboat that's lost at sea. I'm lonely as a human can be. My heart cries for you, sighs for you, dies for you, and my arms long for you. Please come back. Please come back. Please come back to me. Go down low, baby, you'll know there'll be no reason for teasing me so. And when the dancing is through and folks will be few, I'll be here sitting with no one but you, and I'll be needing you so. After the lights go down low, I wanna hold you and squeeze you as tight as I can. I wanna kiss you and please you and make you understand. And when you thrill me, you fill me with love so divine. Together we can have a good time. When the lights go down low, baby, you know there'll be no reason for teasing me so. And we can cuddle up near without any fear, 'cause I got some sweet talk that you want to hear. And I'll be needing you so. After the lights go down low, thank you. the lights go down low. And I'll be needing you so. After the lights go down low. Al Hibbler, qui chantait « After the lights go down low ». Chanteur américain, évidemment, un baryton qui a eu une carrière importante avec l'orchestre de Duke Ellington, mais qui, pourtant, à sa première audition avec l'orchestre en 1935, avait échoué. Ben oui, c'est comme ça. Il faut persévérer, mes amis, il faut persévérer. C'est un chanteur qui est né... non-voyant, et qui a eu une carrière vraiment, vraiment phénoménale. On dit que c'était peut-être pas nécessairement officiellement un chanteur de jazz, c'était plutôt un bon chanteur de chansons populaires. Enfin, bon. Des fois, j'ai un peu de difficulté avec ces stéréotypes, ou en tout cas, c'est comment on place les gens dans des cases. Juste avant, ben, c'était Vic Damone, My Heart Cries For You, et le bloc musical ouvrait avec Over the Rainbow, cette grande chanson chantée par Judy Garland, qu'elle a peut-être presque pas chantée. Pourquoi? Ben parce que... c'était pas dans la comédie musicale. C'était pas là, cette chanson-là. Et puis, un jour, donc, le compositeur est en voiture. Dans certaines histoires, on pense que c'est sa femme qui était au volant à côté de lui. Dans d'autres, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, ça, c'est des détails peu importants. Mais tout à coup, donc, Harold Arlen dit « Arrête-toi sur le côté. Je pense que j'ai un papier ici dans ma poche. Je vais composer une chanson. J'ai une idée pour une chanson. » Propose la chanson au producteur du film et on dit « Oh non, c'est vraiment pas bon. » C'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Donc, finalement, Judy Garland va chanter cette chanson-là des milliers de fois pour le reste de sa vie, mais on va quand même enlever une partie de la chanson. Donc, ce qu'on entend, c'est seulement refrain-couplet. Il y avait une introduction, on a coupé ça. Mais c'est encore là, c'est pour dire hein, comment le destin, des fois, où le destin peut nous amener. Bien, le destin nous a amené à décider d'aller écouter Henri Salvador, puisqu'on en parlait. Le lion est mort ce soir. Oui! Oh, A troop of strolling players are we. Not stars like L.B. Mayers are we, but just a simple band who roams about the land, dispensing fol-de-rol frivolity. Mere folk who give distraction are we. New theater give attraction are we. Oh, shut up, Sam. But just a crazy group that never ceases to troop around the map of Little Italy. Well, here we go back to the home country again. We open in Venice, we next play Verona, then on to Cremona. Lots of laughs in Cremona, hey boy. Our next jump in Parma, that dopey mopey menace, then Mantua, then Padua, then we open again. Where? We open in Venice, we next play Verona, then on to Cremona. Lots of bars in Cremona. Our next jump in Parma, that fearless, cheerless menace, then Mantua, then Padua, then we open again. Where? We open in Venice, we next play Verona, then on to Cremona. Lots of money in Cremona. Our next jump in Parma, that dingy, smingy menace, then Mantua, then Padua, and we open again. Where? We open in Venice, we next play Verona, then on to Cremona. Lots of quail in Cremona. Our next jump in Parma, that heartless, artless menace, then Mantua, then Padua, then we open again. Where? Oh, well, let me see now. I got a map. Let's pick out someplace. Yeah, well, just don't take it too far down the line there. Oh, well, let's take the first canyon out of here. Matter of fact, if we hurry, we can beat the tab. Of course, yeah, the sheriff's out there waiting for us. Goodbye, boys. Get out. Shoe fly by, an apple band, thought it makes your eyes light up. Your tummy say, howdy, shoe. An apple pan dotty, I never get enough of that wonderful star. Shoo fly fly, an apple pan dotty makes the sun come out when heavens are cloudy. Shoo fly fly, an apple pan dotty, I never get enough of that wonderful star. Mama, when you bake, mama, I don't want cake. Mama, for my sake, go to the oven and make some ever-loving shoe fly fly. An apple band dotty makes your eyes light up. Your tummy say, howdy, shoe fly fly. An apple band dotty, I never get enough of that wonderful star. An apple band dotty, I never get enough of that wonderful stuff. Shoo shoo fly by, shoo shoo fly by, shoo shoo fly by. An apple band dotty, I never get enough of that wonderful stuff. Fly by, fly by, an apple band dotty. Baby just cares for me. my baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot dog and places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows it? My baby just cares for me. Shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see, is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for Oh, c'est extraordinaire. Nina Simone, qu'on aime, qu'on adore, quelle voix, quelle présence. Ben, en fait, j'aurais pu dire Eunice Wayman ou Eunice Wayman, je ne sais pas comment le prononcer. C'était son nom de baptême, née en février 33. Mais quand elle a 21 ans, bon, ben, elle va décider de se trouver un nom de scène. Nina, c'est un surnom qu'elle avait déjà, que son petit ami lui donnait. Et Simone, ben, s'est inspirée simplement par Simone Signoret, qui était une actrice et qu'elle aimait beaucoup, évidemment. Donc, c'est comme ça qu'est arrivé son nom de scène. Juste avant, Shoe Fly Pie and Apple Pan Dowdy, June Christie. On entendait aussi We're Open in Venice, le fameux Rat Pack. Je pense qu'il n'a pas tant besoin de présentation, mais on ne sait jamais quand même. Il ne faut rien prendre pour acquis. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Et on avait parlé d'Henri Salvador un peu plus tôt dans l'émission. Pourquoi pas l'entendre dans cette chanson extraordinaire, Le Lion est mort ce soir, ou dans la version en anglais, The Lion Sleeps Tonight. Et puis, je vous disais qu'Henri Salvador était un peu particulier, vous le savez déjà. Évidemment, aime beaucoup l'humour, va rencontrer, entre autres, Boris Vian, va rencontrer Michel Legrand, va travailler avec ses acolytes comme ça, et va même penser que le rock'n'roll est rien d'autre qu'une mauvaise parodie du jazz. Et donc, va décider de se former un groupe avec ses deux acolytes. Et comment vous pensez qu'il va s'appeler son nom de scène, puisqu'on est dans les noms inventés? Eh bien, Henri Salvador, son nom de ce groupe était N Recording. and Recording. Quand même, hein? Ben, on le reconnaît dans tout ça. Et puis, si vous voulez aller plus loin, tiens, il y avait Vernon Sinclair, qui était le nom pour Boris Vian, et Mig Bike pour Michel Legrand. C'est tellement drôle, ces découvertes qu'on fait des fois sur l'histoire. À venir à l'émission, Nat King Cole, à l'instant Jill Barber ensuite et Billie Holiday. Bonne écoute. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Spoil me if I promise to be good. make me the happiest woman in the land if you promise to hold me tight, if you promise to treat me right, if you promise to be my man. Be my man. Your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Don't you hear the pitter-patter happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade, but I'm not afraid. This rover crossed over. If I never had a cent, I'd be as rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Les habitués de l'émission auront certainement reconnu la clarinette de Benny Goodman. Mais Peggy Lee chantait cette chanson « On the Sunny Side of the Street » juste avant « When You're Smiling, Billie Holiday », une autre voix reconnaissable parmi tellement de voix de jazz, de femmes, « Jill Barber, Be My Man » et « Nature Boy » de Nat King Cole pour ouvrir le bloc. Une des grandes chansons de Nat King Cole, par exemple, avec « Unforgettable », avec « I Love You for Sentimental Reasons » et bien d'autres, évidemment. Ah, quel beau bloc musical à l'émission. Je veux vous rappeler que je vous donne quelques détails, pas tous les détails sur les chansons, mais vous pouvez les retrouver, par exemple, avec l'application Radio-Canada Audio. C'est facile, vous allez, vous retrouvez l'émission C'est si bon. Et vous allez voir, donc, dans les pièces qui sont diffusées, tous les détails, absolument tous les détails sur chaque pièce. Vous pourrez prendre des notes si vous voulez. Puis sinon, bien, vous pouvez m'écrire pour me demander ce que vous cherchez ou ce que vous entendez. Donc, c'est facile. Vous écrivez à C'est si bon, en un mot, @radio-canada.ca ou sinon, simplement, facilement et en temps réel sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Marc Hervieux avec le petit crochet bleu. Oubliez-le pas parce qu'il y a des pas fins qui font des faux comptes de Marc Hervieux. Ce n'est pas moi qui vous écris pour vous demander de l'argent particulièrement. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de faux comptes. Il faut être vigilant. Poursuivons en musique avec de la très, très belle musique. Missouri Waltz. Peut-être que vous pouvez tasser les meubles présentement pour vous préparer à danser parce que je sais qu'il y en a qui le font. Je le sais, je les ai rencontrés pendant la tournée de spectacle et ils nous l'ont dit. On pousse les meubles dans la cuisine et puis on danse. Ah ben, dansons. Hush-a-bye, my baby, slumber time is coming soon. Rest your head upon my breast while Mammy hums a tune. The Sandman is calling where shadows are falling, while soft breezes sigh as in days long gone by. Way down in Missouri where I heard this melody when I was a little babe sitting on my mammy's knee. Folks were a-humming, their banjos were strumming so sweet and long. Strumming, strumming sweet and low. Da-da-da-da, my mammy's knee. Rest your head upon my breast in dreams again with me. Sandman is calling, shadows are falling, soft breezes sigh as in days gone by. Way down in Missouri where I heard this melody when I was a little babe sitting on my mammy's knee. Folks were a-humming, banjos were strumming, sweet and low. Banjos were strumming, sweet and low. Baby, don't know the time of day. I'm so confused with what I say. Love, I you, you, I love you, and it's true. Any old way, and yours I'll be. Miss I you, I miss you, you I miss, and your kiss. Say it your way, but yours I am. Yes, I've loved you quite a while. Love are you? No, you I love. No, I love you. Rather jazzy, what? Any old way means I love you. Pardonnez-moi, let me try it. No, je vous aime. Ooh. Je t'adore. Mots long. Cut the grass. Any old way means I love you. Excuse me, how about let me try one time? You I'm a love. Love I'm a you. You I'm a love. It's kind of confusing. Any old way means I love you. Yes, I've loved you quite a while. Love me, baby, be in style. Love I you, ooh-la-coo, miss I thee, ooh-blah-dee. Any old way but yours I'll be. Io te amo, je vous aime. Yachi, Cohen, all of them. Any old way means I love you. Try some okumbu, dye it. Try some okumbu. I went to Chinatown, way back in old Hong Kong, to get some egg foo young. And then I heard a gong. Ling, ting, tong. Got to sing that song called Thai Samoka Boondaye, Thai Samoka Boo. Ling, ting, tong. He would never be wrong. Go on and sing your song. Ling, ting, tong. Ling, ting, tong. Got to sing that song called Smoke on boom da ye, I smoke on boom. This is what I found back in Chinatown. A ling ting tong, can you sing that song called Thai Samoka Boondaye, Thai Samoka Boo? Ling ting tong, he would never be wrong. Go on and sing your song. Ling ting tong, can you sing that song called Thai Samoka Boondaye, Thai Samoka Boo? Thai Samoka Boondaye, Thai Samoka Boondaye, Thai Samoka Boondaye. Ah, ling ting tong. C'est le titre de la chanson. Ben oui, c'est les Five Keys, un groupe vocal qui interprétait juste avant Love I You, chanté par aussi un groupe populaire de l'époque, les Gaylords, The Gaylords, et finalement Missouri Waltz, que chantaient les Fontaine Sisters. De la très, très belle musique, évidemment. Un jour, je ferai des recherches pour savoir l'ordre, comment est arrivée toute cette musique, par exemple dans les jukebox. Pourquoi on a appelé ça un jukebox? Puis pourquoi ça fonctionnait de telle façon? C'est qu'on mettait un petit 5 sous, puis là, finalement, on entendait. Puis au début, c'était un rouleau, en fait. Tu sais, il y a des détails que je connais dans l'histoire de ça, du jukebox. C'était un rouleau. Une seule chanson dans un jukebox, imaginez, un appareil. En fait, pourquoi je pense à ça? Parce que je me dis qu'aujourd'hui, c'est si facile. Hein? On a une facilité à avoir accès à des millions de chansons. Imaginez comment tout ça a évolué entre mettre 5 sous dans une espèce de meuble immense et puis arriver à enfin écouter une chanson, être peut-être obligé de se coller l'oreille sur le fameux meuble parce que ça ne devait pas être terrible comme sonorisation. C'est quand même fou de penser à toute cette évolution puis où on est rendu maintenant. Allons retrouver Gene Kelly, ah ben oui, dans ce fameux thème de Singing in the Rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. You're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you. 'Cause I've got you. 'Cause I've got you under my skin. Tumbling down, remember in September, in the rain, the sun went out just like a dying ember. That September in to every word of love I heard you whisper, the raindrops seemed to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That September in the rain, in the rain, in the rain, it's still September. Bah oui, c'est le mois de septembre qui arrive justement, et c'est September in Rain que chantait Julie London juste avant Born to Dance. Ça, c'est le titre du musical. Je ne sais pas si les gens savent ça, parce que I've Got You Under My Skin, c'est donc extrait, sorti d'une comédie musicale de Cole Porter, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Hein. Dans notre cas, c'était... Rosemary Clooney qui chantait, mais qui a eu beaucoup, beaucoup de succès à sa création, qui s'est retrouvée même en nomination pour l'Oscar de la meilleure chanson originale. On est en 1937, mais a perdu face à quelle chanson? The Way You Look Tonight, quand même. Deux chansons qui ont continué dans le temps et puis qu'on chante encore aujourd'hui et qu'on apprécie à l'émission C'est si bon ensemble. Tout ça commençait avec Singing in the Rain avec Gene Kelly, cette chanson maintenant qui est un classique des classiques. Hein. Aussitôt qu'il pleut un peu fort dehors, tout le monde se met à chanter Singing in the Rain, fait la blague. Ben, c'est comme ça, c'est des chansons qui marquent, qui font partie de notre inconscient collectif, évidemment. Alors ça, c'est merveilleux. J'ai envie de poursuivre avec Pink Martini, mais avant, je vais vous dire que je réalise que j'ai pas vu le temps passer. Il y a plus que la moitié de l'émission de fait, puis on est là ensemble. J'espère que vous passez un bon moment. J'espère que... Je parle un peu, tiens, pour vous permettre d'aller peut-être reprendre un peu de votre drink que vous avez décidé de choisir pour l'émission, ou peut-être êtes-vous en train de cuisiner. Je ne sais trop, mais en tout cas, je suis content d'être avec vous. Je suis heureux de passer ce moment avec vous. Et j'avais justement choisi cette très belle chanson interprétée par Pink Martini. Sympathique. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Softly nice, it's paradise. It's what I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, marvelous that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awful nice. Paradise is what I love to see. My dear, it's four-leaf clover time. From now on, my heart's working overtime. Oh, it's wonderful, marvelous that you should care for me. Let a song go out of my heart. It was the sweetest melody. I know I lost heaven, 'cause you were the song. Since you and I have drifted apart, life doesn't mean a thing to me. Please come back, sweet music. I know I was wrong. Am I too late to make amends? You know that we were meant to be more than just friends, just friends. I let a song go out of my heart. Believe someday. Someday. Que des belles voix. Que des belles voix, c'est si bon. Sympathique pour commencer le bloc musical avec Pink Martini et sa chanteuse China Forbes. Ensuite, Wonderful, grande chanson chantée par une grande chanteuse, Diana Krall, mais surtout tirée d'un album marquant pour Diana Krall, The Look of Love, album vraiment qui nous a fait connaître particulièrement Diana Krall. Et finalement, à l'instant, I Let a Song Go Out of My Heart, chantée par Lena Horne, une chanson de Duke Ellington. Est-ce que vous savez que le maire de New York, ancien maire de New York, Michael Bloomberg, a déclaré le Duke Ellington Day le 29 avril 2009, pardon. Donc, à partir de ce jour-là, c'est la journée Duke Ellington pour célébrer, évidemment, son immense carrière et puis son amour déclaré pour New York. Alors, si vous passez par New York le 29 avril, sachez que vous pourrez fêter Duke Ellington. Pourquoi pas? J'ai envie de vous envoyer vers une chanson extraordinaire qui s'appelle « Comme au premier jour », chantée par Jacqueline Boyer. Et je salue au passage ma collègue Catherine Pépin, qui un jour où j'étais au volant de ma voiture dans la baie des Chaleurs, m'a fait découvrir à son émission cette chanson-là. Depuis, je n'écoute que ça. Cerisier, le cœur grisé, tu m'as parlé d'amour. Comme au premier jour, toujours, toujours, je revois le matin où le destin mettait sur mon chemin, dans le creux de ta main, mes plus beaux lendemains. Un jour, bousculant le passé, je renierais l'amour qui m'aurait tant blessé. Ne vole pas ce qui nous appartient, ne détruis pas le bonheur et le tien. Comme au premier jour, toujours, toujours, je reverrai le temps charmant, où sous le cerisier, le cœur grisé, tu m'as parlé d'amour. Comme au premier jour, toujours, toujours, nous irons tous les pas de fin. Grandira notre amour qui sera pour toujours plus fort qu'au premier jour. Wonderful world to live in. When you're in love, you're a master of all you survey. You're a gay Santa Claus. There's a brave new star-spangled sky above you. When you're in love, you're a hero, an hero, Apollo, the Wizard of Oz. You've a kingdom, power and glory. The old, old, oldest of stories is new, true. You've built your own in just one day. Life is mystic. A midsummer's night you live in, a Turkish delight here in heaven. It's well when you're really in love. Do bop bop bop, be up a up a up and bop bop, be da bop and bop a up and beep bop, be bop bop a up a do ba ba, bye do bop bop, lick lick lick a do ba do do do do, ba do do be ba do and bop bop, be da ba do do ba ba do bop. You've a kingdom, a power and glory. The old, old, old is the stories, it's new too. You built your own in just one day. Life is mystic, a midsummer's night you live in. Turkish delight here in heaven. It's well when you're really in love. Ha-da-ya, a-da, a-da, ba-da-da-da. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. C'est là que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides, je t'aime. Et dans tes yeux, je lirai que j'ai trahi notre amitié, que je suis comme les autres. Bien vite, je m'en irai sans même te dire que si je t'aime, ce n'est pas de ma faute. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. Joie, je crois, je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. That you despise the same old lies you've heard the night before. And though it's just a line for me it's true, it never seemed so right before. Cela fait si longtemps que je suis là, le cœur battant à ne plus penser qu'à toi. Guetter ton regard en espérant toujours y voir un peu de tendresse pour moi. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night so blue. De joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. I love you. Ah, que c'est beau, que c'est beau. C'est moi stupide, something stupid. Florence K et Matt Dusk, juste avant, It's a Big Wide Wonderful World, Betty Carter. Et comme au premier jour, Jacqueline Boyer. Ah, ça, je ne sais pas si vous avez découvert cette chanson-là aujourd'hui, mais moi, je l'avais écoutée en boucle au moment de sa découverte. C'est Marc Hervieux, on est au studio 48 de la Nouvelle Maison de Radio-Canada, et vous écoutez C'est si bon. Look up, there's a rainbow, I can see it way up high. Look up, there's a rainbow peeking through the cloudy sky. Look up, there's a rainbow shining in the sky above. Look up, there's a rainbow filling your heart with love. Red like a cherry or a strawberry, fancy high-heel shoes. Orange like my goldfish swimming in his dish, like a pumpkin too. Look up, there's a rainbow, I can see it way up high. Look up, there's a rainbow peeking through the cloudy sky. Look up, there's a rainbow shining in the sky above. Look up, there's a rainbow filling your heart with love. Yellow like a dandelion in the sunshine, a glass of lemonade. Green like a crocodile's toothy smile, a St. Patrick's Day parade. Look up, there's a rainbow shining in the sky above. Look up, there's a rainbow filling your heart with love. Blue like butterflies, baby blue eyes, beautiful bluebird. Indigo's another purpley color, violet has the last word. Look up, there's a rainbow, I can see it way up high. Look up, there's a rainbow peeking through the cloudy sky. Look up, there's a rainbow shining in the sky above. Look up, there's a rainbow filling your heart with love. Filling your heart with love. Filling your heart with love. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Certainement un classique des classiques. J'ai souvent nommé des enregistrements ou des pièces de cette façon en musique classique, en opéra par exemple, mais dans ce cas-ci, oui, Bob Dylan, Blowing in the Wind. Et d'ailleurs, ça me fait penser parce qu'à chaque fois que je vois le nom de Bob Dylan, depuis que j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu ce reportage ou un documentaire sur l'enregistrement de la chanson We Are the World. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça parce que d'abord, c'est fascinant de voir tout le processus pour l'enregistrement de cette chanson, mais surtout pour voir Bob Dylan qui, au milieu de tout ça, a l'air vraiment complètement perdu et se fait prendre finalement un peu à part par Stevie Wonder, qui va lui montrer comment chanter son petit, petit bout dans la chanson We Are the World. Sauf que c'est tellement assez... C'est vraiment, vraiment un très bon documentaire. Vous allez être complètement fasciné par tout le processus et par le résultat, évidemment, qu'on connaît, parce qu'on a entendu tellement de fois. Je fais une parenthèse comme ça parce que je pense que ça vaut la peine que vous puissiez trouver ça. C'est sur les plateformes, évidemment, facilement. Et juste avant, donc, on commençait ce bloc musical avec Look Up, There's a Rainbow. Et c'était The Swinging Bells qui chantait. On poursuit à l'émission. Je veux qu'on écoute le plus possible de musique, puisqu'on a déjà passé dans la troisième heure de l'émission. Allez vous installer, continuez à passer ce temps avec nous et je vous propose à l'instant Helen Merrill. You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire. Understands, chilled by the winter, under an August moon burning above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home to and love. mean to. You'd be so nice by the fire while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire. Undisguised, thrilled by the winter under an August moon burning above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home to and love. Beautiful love, you're all a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along, thrilling my soul with your song. Beautiful love, I've roamed your paradise, searching for love, my dream to realize. Reaching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dreams come true? Got that old feeling. When you came inside, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. ¶¶ as for me, it's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. Looking woman you I ever did see, nor have the charms of the latest of high society, but the woman's got soul worth all money and gold, and all the love that I hold belongs to the woman with soul. I'm just a regular fella and I don't need much. I don't need no Cadillac cars or diamonds and such. But the woman that I hold, she's got to have soul. And then I'm richer than the richest gold, 'cause my woman's got soul. Well, I don't need a woman that's got a whole lot of class, 'cause class and a woman don't mean she's gonna last. I need the kind of woman that when I hold her real tight, she puts her arms around me and I give in without a fight. Then I know that my woman's got soul, worth all the silver and gold. And then I'm richer than the richest gold when my woman's got soul. Hey, when my woman's got soul. Oh, yes, my baby's got soul. Hey, the woman got soul. She got soul. She ain't even you. Woman's Got Soul, la voix de Joe Williams. Quelle voix magnifique, encore une fois, une voix que j'écoute, puis je me dis, ben peut-être que ça aurait pu être, peut-être que même il a une formation classique, je sais pas. Enfin bon, juste avant That Old Feeling, Chet Baker, et Beautiful Love était juste un peu avant avec Anita O'Day qui chantait, et You'd Be So Nice to Come Home To, Helen Merrill. Des très, très belles chansons, encore une fois. Je veux vous rappeler que vous pouvez m'écrire à l'émission pour me faire vos suggestions, vos commentaires. On va prendre notre place, hein, tranquillement. On a décidé de chausser ces grands souliers de Claude Saussier. Donc, on va le faire. Vous pouvez m'écrire, donc, c'est facile, c'est si bon en un mot, @radio-trait-d'union-canada.ca, sur les réseaux sociaux Marc Hervieux. Vous cherchez des informations sur ce qu'on vous propose à l'émission, allez sur l'application Radio-Canada Audio. Et voilà, donc vous pourrez trouver tout ce que vous cherchez. Mais en attendant, allons faire un tour sous le ciel de Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Le bonheur se construit sur un effet pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. Deux musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter. L'hymne d'un peuple et bruit de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, par voie couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il en faut un arc-en-ciel. Notre-Dame, par vous un couvent drame. Oui, mais il n'y a pas d'âme, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel sous le ciel, sous le ciel, sous le ciel de Paris. The show is over, prima donna. You played a part that broke my heart while you were on. Make believing I loved you truly from the start. You rain applause, my prima donna, for you completely fooled me so. How could your smile be so deceiving? Stole this one act show. I can't forget the way you kissed me. Each tender word seemed real somehow. The way you said I love you dearly, why that alone deserves a bow. But if you find that you still love me, and should your heart say you were wrong, walk off that stage, my prima donna, into my arms where you belong. Into my arms. comme dans un jardin délicieux. Nous suivions un sentier merveilleux. Les fleurs semblaient s'épanouir pour nous, et les oiseaux nous disaient: aimez-vous. Divine symphonie, hymne d'amour, qui charme et me grise tout à tout. Si notre joli roman doit finir, j'en veux garder le souvenir. Un de nos très, très grands crooners québécois, Fernand Gignac, dans sa version en français de Stardust. En fait, ce qui était extraordinaire, c'est justement que Fernand Gignac chantait tous ses grands classiques, mais toujours dans des versions françaises. Juste avant, Prima Donna, Jerry Vale, et le bloc commençait avec la magnifique chanson « Sous le ciel de Paris » chantée par Karen Allison, chanson qui a été un succès incroyable, chantée par Yves Montand, chantée par Édith Piaf, chantée par plein de Juliette Gréco et plein d'autres gens. On poursuit tout de suite en musique avec un tango, mais le tango corsé. Au bal du petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine, mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse. Tango corse, c'est comme ça. Quand Dominique est fatigué de voir les autres travailler, il se donne un peu de repos. Juste le temps d'un petit tango. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est l'avant-goût de l'oreiller. Le Dominique se croit déjà en pyjama.

it's gone and started raining. I'm lonesome as a man can be, 'cause every time it rains, I realize what you mean to me. If you read my letters, baby, you sure must have read my mind. If you read my letters, baby, you sure must have read my mind. Then you wouldn't have left me to sit alone and So danço samba, so danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. So danço samba, so danço samba, vai. So danço samba, so danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. So danço samba, danço samba, vai. Já dancei o twist até demais. Me dancer do calypso, tcha tcha tcha. Sou danço samba, sou danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Sou danço samba, danço samba. Vai. Really, you passing by?

be you. Wonderful you. It had to be you. Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off and start all over again. Nothing's impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath. Pick yourself up. Dust yourself off. Start all over again. A soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember those famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath. Pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Quelle fébrilité incroyable de me rendre compte qu'on est déjà à la fin de cette première émission de C'est si bon que j'ai l'honneur, le plaisir et le privilège d'animer. Merci de votre présence. Je sais qu'on va se retrouver, vous autres et plusieurs autres en plus. Parlez-en, parlez-en pour être là. Merci Pierre Dulon à la console. Merci Alexandre Bernard à la réalisation. On est déjà une famille après à peine une émission. Écrivez-moi de votre côté, c'est facile, c'est si bon, @radio-canada.ca ou sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple. Marc Hervieux avec le petit crochet bleu. Vous pouvez venir sur Instagram aussi si vous voulez, Hervieux Ténor, Marc Hervieux. C'est toujours moi, seulement avec le petit crochet bleu. Allez, on se retrouve. Bonne soirée sur Radio-Canada, sur Récit Musique.